Vous écoutez La Croche-Oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran du poste radio, une émission qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de l'artiste Martin Tétrault, un artiste visuel et un créateur sonore qui sera inspiré très jeune par les musiques qu'il entend à la maison, puis fasciné par l'iconographie des dictionnaires. Il va rêver d'art visuel à partir de matières plastiques pour devenir au fil du temps, et d'heureux hasards, il faut le dire, un inventeur de disques bricolés et un joueur de tourne-disques, reconnu de nos jours comme l'un des musiciens platinistes les plus inventifs et dont la renommée, ma foi, déborde largement nos frontières. J'ai eu la chance de rencontrer Martin Tétrault chez lui, à Montréal, en compagnie de vieux albums 33 tours déposés sur une table de cuisine accueillante et généreuse, à l'image de Martin Tétrault, qu'on écoute à l'instant. Martin Tétrault, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer cet après-midi. Ben moi aussi. Bienvenue chez moi. Oui, tout à fait. Martin, quand on regarde ton parcours d'artiste, le meilleur qualificatif que j'ai trouvé, c'est électron libre, un artiste là, qui use de sa liberté comme ça se peut pas. Et fidèle à mes habitudes, ma première question, c'est toujours de demander quel est le moment décisif qui fait que tu bascules dans l'art sonore. Mais dans ton cas, je vais plutôt demander, c'était quoi le moment décisif qui a fait que tu bascules ou que tu t'intéresses pour les arts visuels au départ, parce que tu es artiste visuel au départ. Oui, le déclic des arts visuels, en fait, ça remonte encore à la jeunesse, vraiment, quand... Même, je me demande si c'est pas avant d'aller en première année, ou en tout cas dans ces périodes-là. Il y a deux choses que je faisais. On avait un dictionnaire Larousse, et je me souviens, j'avais un petit calepin de papier, et je reproduisais les drapeaux des pays, mais les plus abstraits. Donc, ceux où tu as juste, par exemple, la Belgique ou la France... Je reproduisais avec des cahiers à colorier ces formes-là, donc qui sont vraiment de l'art abstrait. Si on pense pas, moi, je pensais même pas au pays, je pensais aux résultantes. Et l'autre truc que je dessinais beaucoup, c'était les bateaux à voile. Donc, complètement... Donc, deux trucs opposés, comme je fais, en fait, souvent maintenant, aujourd'hui, donc des œuvres qui peuvent être très, très minimaliste, avec juste des couleurs en aplat, comme les drapeaux de l'époque, ou des trucs qui sont comme plus texturaux, par exemple avec des matériaux récupérés ou différents types d'interventions multimédia, on peut dire. Ouais. C'était déjà là, ton ADN de créateur sonore, de créateur de musique expérimentale était déjà tout contenu dans ce premier jaillissement. Et est-ce que tu étais d'une famille d'artistes ou c'est quelque chose qui faisait partie de ton identité dès le départ? Non, il y avait. En fait, on était une famille de six. Mon frère le plus vieux, c'était lui qui était l'artiste de la famille. Et chez nous, on avait un pick-up avec des disques qui appartenaient à chacun des membres de la famille, donc mes sœurs ou mes frères. Et lui, il était très porté sur la musique classique, surtout l'orgue. Je me souviens, j'écoutais un disque que j'écoutais beaucoup, c'était A Power Big, c'est le nom de l'organisme, Back Organ Favorites de Power Ah. Bigs. Et ce disque-là, je l'écoutais beaucoup. Et puis, mon autre frère, qui était plus jeune, qui allait à Polyvalente à Saint-Hyacinthe, arrive une journée avec un vinyle. Je prends le vinyle sans trop porter attention, je le dépose sur le pick-up, ça commence avec de l'orgue, bang, bingo, de l'orgue, oui, je connais ça. Et puis là, à un moment donné, bang, titan, la batterie, tout ça arrive, là, je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'était le premier album de Led Zeppelin. Et ben, ce disque-là, c'est le disque qui m'a fait pivoter vers le son, l'écoute du son. Tout à fait, Martin. On va y revenir à ce moment clé avec Led Zeppelin parce que tu l'as raconté déjà, mais l'histoire est fascinante. Mais cela dit, pour se mettre dans le bain, parce qu'on est tout de même une émission d'Art sonore, on va écouter un premier titre. C'est un titre qui est relativement récent. C'est un titre que tu as produit pour le projet du collectif Avatar à Québec, le projet Repère. Une pièce qui s'intitule Huitaine, chambardement du quotidien. Et on va écouter ça et puis on poursuit ensemble notre conversation. Martin, Led Zeppelin, ça constitue un moment clé. Raconte cette histoire. Bon, tu découvres ce disque d'ouverture, on est à l'orgue et puis après ça, ça déboule sur totalement autre chose. C'est ça. Et faut dire aussi que, donc, en 69, j'avais 12 ans. Donc, pour quelqu'un de 12 ans qui écoutait des disques d'enfants ou des disques de Michel Louvain ou César et les Romains, c'était vraiment autre chose. Parce que ce disque-là, je comprenais absolument pas comment les choses étaient faites. Et puis, ce disque-là m'a toujours suivi, puis me suit encore parce que on a du blues, on a de la musique psychédélique, on a des influences orientales, des pièces avec du tabla, on a des moments de hard rock. Et puis, donc, c'est ça, je comprenais vraiment pas comment cette musique-là était faite. Et c'est ça qui m'a vraiment amené à d'autres musiques aussi par après. Parce que, en fait, moi, je considère que c'est un des disques les plus importants en ce qui me concerne. Là. Martin, comment il s'intitule cet album-là? C'est le premier Led Zeppelin. Led Zeppelin 1, celui avec le dirigeable là, qui prend feu, le Edinburgh qui prend feu. Bon, Martin, encore là, je lisais dans la documentation, il y a beaucoup de documentation sur ton travail, tu as été prolifique en termes de production, mais on raconte dans une bio que tu as été initié à la musique improvisée par Michel F. Côté, Jean de Rome et compagnie, et j'aimerais que tu me parles de cette période-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi quand je dis ça? Ouais, c'est un moment assez... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que je rencontre ces personnes-là, j'ai fait des musiques pour le théâtre. Donc, une compagnie qui s'appelait Opéra Fête, qui faisait un théâtre qui était très gestuel, avec très peu de texte. Et c'est la première fois que j'ai vu une console de son, que j'ai travaillé avec ça. Et j'ai une amie qui était dans cette compagnie-là, en fait, qui m'avait présenté au metteur en scène, etc., etc. Et puis moi, je continuais dans mon coin à couper des disques, les recoller, tout ça. Et puis, un ami, peut-être que vous connaissez, Michel Fourbert, qui connaissait bien André Duchesne, qui était mon voisin de rue, mais parallèle, sur la rue Rivard. Moi, j'étais sur la rue de... Berry, c'est ça. Et donc, on était au central, on prenait une bière, moi puis Michel. André arrive, puis il me parle du travail, puis il me dit « Ah, toi, c'est Lucier qu'il faut que tu rencontres, René Lucier. » Fait que là, Duchesne est venu chez nous, il écoute les bandes, puis blablabla. Et là, ça s'est comme parlé comme ça. René Lucier en a entendu parler, je pense qu'il m'avait dit, Zorn, il avait dit, ah, il y a un gars à Montréal, ça a l'air qu'il joue, c'est le camaradin, tu savais pas, tu sais. En tout cas, bref. Et puis, à un moment donné, il y a un grand garçon qui vient me voir, qui me dit, semble-t-il que tu fais de la musique avec des tourne-disques. J'ai dit oui, tu sais. Il dit, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse un duo ensemble. Là, j'ai jamais fait de musique avec quelqu'un. Ah, il dit, tu vois, ça va bien se passer. Et là, je me suis retrouvé dans son local. On a répété 3 jours. On est allé au studio 270 à Outremont. On a enregistré 3 pièces, dont 2 figures sur l'album vinyle « Le barman à tard de sourire » de Michel F. Côté, donc son premier album solo. Et suite à ça, lui, son colocataire de local quittait. Et là, Michel, il me demande, il dit hey, « Écoute, ça te tenterait-tu de prendre la place? » Là, j'ai dit « OK ». Donc, je suis arrivé dans le local, j'avais à peu près 10 de disques, 2 tourne-disques. Et puis, je suis sorti de là 12 ans plus tard avec des milliers de disques puis toutes sortes de rubans puis de machins trucs pour faire du son, tu sais. Et donc, suite au contact de Michel F. Côté, ben là, ça c'est le virus s'est semé à l'intérieur de toute l'équipe d'Ambiance Magnétique. Ils m'ont demandé de me joindre au groupe, et, etc. Ça a déboulé comme ça. C'est comme ça que l'aventure démarre et surtout que se produit tout le travail de collaboration que tu vas faire par la suite parce qu'il est très important. On va y revenir tout de même. Et donc, j'avais choisi une pièce. Je vais m'en tenir à mon choix. On va écouter une pièce que tu as réalisée avec Otomo Yoshihide et Philippe Jerk. C'est tiré d'un album qui s'appelle Audiosphère. C'est une pièce qui s'intitule Architecture invisible. Je le dis en français. Et c'était sous le label Sub Rosa, le prestigieux label. Alors, c'est une très belle pièce. Alors, on écoute ça. Martin, on vient de parler des collaborations, Michel F. Côté, Lucier, De Rome et compagnie. Comment tu te prépares maintenant pour un travail de collaboration quand un artiste interpelle en disant « Martin, bon, je concocte un projet, j'aimerais ça que tu fasses partie de la gang, de l'équipe. » Est-ce que tu commences dès lors à mijoter? Bon, une fois évidemment que tu as eu quelques pistes, comment ça se passe? On pourrait plutôt dire comment ça se passait, parce que depuis que j'ai eu 65 ans, j'avais décidé qu'à 65 ans, j'arrêtais de faire des concerts. Donc, je ne fais plus de concerts, je ne fais plus de tournées, mais je fais du studio, des masterclass, comme on appelle, des trucs comme ça. Je suis rassasié. Et si on revient un peu dans le passé, oui. Avais-tu un modus operandi, Martin Tétrault, dans ce travail de collaboration, ayant un avant, pendant, comment, pour ne pas parler directement du processus, mais disons de la manière là, dont tu abordais les choses? Bien, c'était vraiment du cas par cas, parce que selon les gens avec qui je travaillais, selon si c'était des rencontres impromptues, improvisées, où là, idéalement, on ne se parle pas. En tout cas, dans mon cas, j'aime mieux ça que de suivre un plan qu'on ne suivra pas de toute façon. Il y avait toujours une préparation, comme par exemple avec... à l'époque où je jouais beaucoup avec des disques vinyles, donc ma période que j'appelle de citation, ça c'est jusqu'au milieu 80... donc j'ai commencé 85 à, dirais, 94, donc cette décennie-là, je travaillais beaucoup avec des citations musicales. Je prends, mettons, un exemple concret avec Michel F. Côté, « Bruire, l'âme de l'objet ». Chaque disque était sélectionné, chacune des pièces, avec la vitesse de rotation, sur quel tourne-disque était pour être joué, les volumes, tout ça. Donc, je me faisais une partition parce que, de toute façon, ça n'existait pas. Donc, je me faisais des partitions que j'ai encore d'ailleurs, que je peux consulter si jamais je veux refaire les pièces, parce que j'ai encore conservé tous les disques de cette époque-là dans des sacs respectifs. Donc, pour ne pas me répéter d'un projet à l'autre, ben il était dans un autre sac. Fait que là, avec les milliers de disques que j'avais, ça m'obligeait à aller chercher dans ceux qui restaient pour me constituer une nouvelle banque sonore, parce que c'était une banque sonore. Et... Donc, tout ça, en fait, ça s'est donc sur une décennie, c'est à peu près comme ça que je fonctionnais. Après ça, il y a des discussions. Il y a aussi le fait que, après avoir collaboré beaucoup avec les gens d'Ambiance Magnétique, par exemple, quand, je sais pas, je travaillais sur un projet avec Jean Derome, Jean, il savait très bien, il me disait, ouais, ça va être un peu ça l'esprit. Il me disait, go, fais tes recherches. Moi, je proposait des affaires, et puis là, à partir de ça, on le testait en répétition, mais lui, il me donnait des pistes là, de l'esthétique dans laquelle il voulait. Donc, par exemple, et ça, c'était valable pour tous les projets, en fait. Bon, tu l'as abordé, mais je pense que c'est Régent Bocage qui dit ça dans une critique, que Martin Tétrault est passé de la citation au bruitisme autour des années 95. Mais je le reprends tout de même à mon compte. Martin, qu'est-ce qui... Bon, tu as expliqué tout de même que c'est présent, mais on sent une rupture dans ton travail. Et qu'est-ce qui fait que tu deviens plus... ou l'abstraction, je veux dire ça comme ça, l'abstraction prend le dessus sur la citation? Ben, en fait, après, donc, toutes ces années-là, à un moment donné, j'en ai eu comme un peu ras-le-bol d'utiliser les musiques des autres. Et au local où j'étais avec Michel F. Côté, j'avais un ami qui travaillait dans une commission scolaire, m'a donné à peu près une dizaine de caliphones. Donc, c'est les tourne-disques qu'on avait dans les écoles quand on était gamin, première année, tout ça. Les bleus, donc c'est vraiment fort, c'est fort comme un Jeep. Et là, je me suis mis à jouer avec ces objets-là, mais pas de disques. Et donc, j'enlevais les plateaux, je déposais les bras sur le moteur et tout ça. Et ça faisait une musique qui était complètement nouvelle, donc qui pouvait avoir beaucoup plus abstraite, brutiste. Et ce qui, un jour, j'ai réalisé en fait que toutes les musiques que je me suis mis à faire avec ces objets-là étaient déjà présentes quand j'étais à l'école en première année, parce que l'objet était là. Donc, c'est comme si je redécouvrais un objet de ma jeunesse, mais d'une façon plus active que passive que de mettre l'aiguille sur le bras. Donc, j'ai développé beaucoup de travail autour de ça. J'ai même trafiqué des tourne-disques pour en mettre deux ensemble, ajouter des bras pour avoir quatre bras de lecture. Et donc, à partir de cette décennie-là, donc 1995, pour un autre 10 ans, j'ai tourné beaucoup en Europe, en Asie, tout ça, avec ce dispositif-là. Pas de disque, donc avec des pédales d'effet, tout ça. Mais c'était un support très, très... Il n'y avait plus de citation. Et d'ailleurs, à cause du caractère des fois plus répétitif, bouclé des sons, je me suis retrouvé dans des festivals de musique électronique. Et quand ils me voyaient arriver, eux, ils pensaient que c'était fait avec des éléments numériques. Mais j'étais complètement, complètement analogique. Okay. Mais donc, l'accident, évidemment, était toujours encore présent dans le travail. Et c'est un peu comme ça que ça s'est bousculé. Et le concert charnière de ça, c'est au Festival de musique actuel de Victoriaville, où là, j'ai fait un solo. C'est un peu rigolo parce que ça se passait comme une semaine avant le 50e anniversaire de quoi? De la musique concrète. Et donc, Michel Levasseur faisait toujours des présentations avant les concerts. Et là, je lui dis, donc mon concert n'a pas de vinyle. Et donc, c'est ce qui s'est passé la veille de la découverte du sillon fermé. Donc, c'est comme un concert qui précède. J'aime ça jouer avec le temps puis de l'espace-temps. Donc, c'est quelque chose qui précède la découverte du sillon fermé. C'est la découverte de l'objet. Tout à fait. Extrêmement intéressant, Martin. Écoute, on va écouter une pièce datée de 2013 là, pour ce qui est du support. Ça s'intitule « Pointe, ligne avec haut-parleur ». Ouais. Et on va, ça, c'est le titre de l'album. Et on va écouter le premier segment qui s'appelle « Matériaux 1, 2, 3, 4 ». Et là, on te retrouve avec ton tourne-disque préparé. Oui. On écoute ça. Martin, tu as collaboré à la production d'un album te concernant, d'un livre, je devrais dire, d'un livre te concernant réalisé avec Nicole Gingras. Qui s'intitule des disques et un couteau. Et quand on lit des éléments de ce recueil, tu t'attardes tout de même à parler de certains artistes importants dans l'histoire de l'art. Warhol, sur la scène internationale, mais il y a un nom que je retiens, qui est celui de Raymond Gervais. Oui. Et j'aimerais que tu me parles de Raymond Gervais, parce qu'au fond, c'est un artiste qui est disparu trop rapidement et qui a marqué beaucoup les esprits de par sa réflexion sur l'imaginaire sonore. Et je me disais, je rencontre Martin Tétrault, j'aimerais ça que Martin me parle de Raymond Gervais. Oh, il y a tellement à dire. En fait, si on veut aller juste côté pratique, donc Raymond, c'était un penseur, un libre penseur, un artiste musicien également, parce que dans les années 60, à Montréal, il faisait des performances avec des tourne-disques. Ça, c'était quand même très, très rare. Et puis, il a tout le temps été intrigué par le son, par les amalgames qu'on peut faire avec le son laisser notre imagination percevoir les sons sans qu'ils nous soient, proposés. En fait, plus proposés. Comme par exemple, je me souviens d'une expo que j'avais beaucoup aimée. C'était des boîtiers de disques compacts avec le nom d'un vin qui était dessus. Et donc, nous, on voyait la pochette. On essayait de s'imaginer comment il sonne ce vent-là. Et ça, c'était valable un peu pour toutes ces installations ou expositions. Puis c'était quelqu'un qui était tellement... c'était tellement intéressant à jaser avec lui parce que t'arrêtais pas, là. C'était... tu ouvrais une porte, t'en ouvrais une autre. C'était comme... c'était infini, là. C'était vraiment... c'était assez incroyable. Est-ce qu'il a été pour toi une source d'inspiration dans le développement de ton imaginaire à toi, ton imaginaire sonore? Est-ce qu'on le retrouve en arrière-plan? Parce que je te pose cette question parce qu'on sent que l'histoire de l'art est omniprésente dans ta production. Il y a beaucoup de références. Quand on pense à Fluxus, tu parlais de citations, mais on retrouve aussi l'espièglerie à la fois, puis la naïveté, puis l'amusement. De Fluxus? Mais en fait, tout ce que tu viens d'énumérer là, je l'ai découvert par après parce que j'étais autodidacte, là. J'ai vraiment pas étudié dans... Ça s'étudie pas, là, le tourne-disque. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est par après que j'ai été en contact avec ces gens-là et non pas avant. Parce qu'après ça, j'ai pu en discuter comme « Ah oui, tu sais, tu fais ça, t'as fait ça, tu sais. » Parce que, par exemple, quand je suis tourné des arts visuels à la musique, ben c'est pas du tout une influence qui m'a amené là. C'est mon parcours de plasticien de l'époque qui découpait dans des feuilles de papier, qui un jour, je dis « Ah tiens, je vais couper dans d'autres choses que du papier. » Je prends un disque en vinyle. C'était pas un disque pour moi, c'était un cercle noir. Je le coupe en deux, moitié A, moitié B. Je mets ça sur un tourne-disque. Donc, tout le conceptuel est redevenu narratif. Et donc, c'est là que le passage s'est fait entre le visuel et le sonore. Tout à fait. Martin, on va écouter une pièce, là aussi avec une complice qui s'appelle Diane Labrosse. Tu as réalisé avec elle un album qui s'appelle Parasite. Et on va écouter un beau titre qui s'intitule Paradis pour Parasite. On écoute ça. Thank you. Martin, il y a un album qui était très populaire, lancé il y a longtemps, qui s'appelait Snippet. Puis t'en as produit un autre volet qui s'appelait Plus de Spinette. Snippet. Plus de Snippet. Alors, j'ai mal écrit. Plus de Snippet. Et Martin, quand on évoque ce mot Snippet, là, qu'est-ce que ça évoque pour toi? En termes de contexte, puis aussi en termes de matière à imaginer le son. Parce que là, on est peut-être plus dans la citation, mais aussi on est dans un contexte peut-être social qui est différent. Comment ça résonne quand je te lance cette question? Bien, je peux te faire un scoop. Le vraiment plus de snippet est terminé et il va sortir vers décembre. Donc, en fait, snippet, pour moi, c'est... C'est un mot qui m'est venu complètement comme ça parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu rigolo. Et ça veut aussi dire des petits morceaux. Parce que en fait, c'est du travail d'archive. J'ai transféré beaucoup, beaucoup d'heures de matériaux que j'avais sur cassette, des improvisations que j'ai fait dans le studio, des trucs sur ruban magnétique. Et il y a toutes sortes d'expériences faites avec des outils aussi, des objets qui n'existent plus, donc des magnétophones à ruban avec les têtes désalignées, enregistrées sans console, tout vraiment de la matière très, très brute. Et j'en ai pour des heures et des heures, d'où le troisième volume qui va sortir. Et bien, pour moi, ça évoque des archives. Et il y a aussi à l'intérieur de ces archives sonores-là des moments de commentaires qui sont pour moi importants parce qu'ils viennent justement commenter soit ce qui est en train de se passer à l'intérieur du disque, sur les outils, des commentaires sur les outils, le travail, tout ça, ou bien des commentaires qui sont d'ordre sociaux. Et c'est tout le temps un peu du côté un peu absurde ou parce que bon, je prends pas ça au sérieux. Et c'est des disques qui sont volontairement très, très denses. Et il n'y a aucun silence. C'est vraiment comme tu as 78 minutes de musique et puis go. Il faut que tu abattes là. Mais ça a été très amusant à faire. Et en fait, ça, c'est que je réécoute ça quand je faisais les transferts audio numériques, je me disais non, mais comment j'ai fait ça? J'étais en train de perdre en fait le repère de l'origine du jeu, puis de l'origine de l'objet, et puis de la situation. C'est comme comment ça se fait que j'ai fait ça? Tout à fait, c'est très intéressant. On va écouter. Écoute, on va en écouter au moins un extrait de plus de snippet. J'avais ciblé Maudite électricité, Ivresse Béchet, numéro 2, oui. N'est-ce pas? Et puis Bach. Donc, je verrai avec le temps, mais en tout cas, on en écoute tout à fait. C'est cool. Parce que juste aussi pour conclure, le deuxième. Le premier, c'était Snippet, mais le deuxième, PLUS de Snippet, on ne savait pas si ça voulait dire plus ou plus. Donc, est-ce qu'il n'y en a plus ou est-ce qu'il va en avoir plus? Donc, le dernier volet, qui s'appelle vraiment plus de Snippet, il répond à l'énigme. Hier meinen noch gleich weg. Hier meinen noch. Der Pfaffe braucht den runden Fußball. Are you Martin, tu as produit un projet qui s'intitule « Tortue vapeur » avec Suzanne Aoud. Et c'est un projet qui est très singulier. Bon, déjà dans ton ADN de créateur, le domaine de la danse puis des arts de la scène était peut-être comme au départ. Le travail que tu as fait avec Linda Gaudreau, notamment, n'est-ce pas? Et puis le quatuor de tourne-disque. Mais j'aimerais que tu me parles de ce projet avec Suzanne Aoud. Comment ça... C'est quoi l'histoire de ce projet-là? Suzanne, c'est connu dans un festival en France où elle travaillait avec John Oswald. Et on est devenus amis. Elle, à l'époque, elle habitait à Toronto. Et puis, elle venait épisodiquement à Montréal, puis blablabla. On est devenus amis, tout ça. Et on s'est mis à se faire des rencontres ici, juste pour le plaisir, jouer à la chambre, puis moi, jouer des tourne-disques, tout ça. Et une journée, on s'est dit « Hey, pourquoi on n'essaye pas d'en faire davantage, tu sais? » Et puis, ça évolue aussi simplement que ça. Et on se rencontre ici. On se rencontrait parce qu'elle est très occupée. On enregistre, on mange, et puis on fait de l'édition l'après-midi même. Donc, on est de suite déjà à chaud dans le projet. On a présenté quelques fois en concert, mais moi, j'étais plus enclin à ce que ça soit un projet plus de studio. De toute façon, maintenant, je ne fais plus de concert. Fait que ça a un peu arrêté les ardeurs de Susanna. Elle aurait aimé ça que ça continue, mais moi, j'étais... Et c'est un projet, en fait, qui est différent parce qu'effectivement, je joue plus de synthétiseurs. Elle chante... c'est des longues pièces. On fait des fois des covers de Beatles, Kate Bush, mais tout d'une façon très élastique, là, évidemment. C'est un très beau projet, puis il a été publié sur... le premier, c'est ça, c'est sur le label d'ambiance magnétique, mais qui est... Microclimat. Microclimat, c'est ça. Mais on a déjà... 3 autres qui seraient prêts à sortir, qui sont déjà tout mixés et tout, donc on a bien du stock, tu sais, mais... C'est un peu l'anecdote, mais... Et ce titre, Tortue vapeur, il est le fruit d'un hasard, d'une... C'est moi qui ai trouvé le titre, parce que... En fait, ça ressemble beaucoup à comment la musique se déploie. Donc, elle est lente, mais elle a une force aussi. Donc c'est un peu à l'opposé de chevaux vapeur. Donc, c'est comme... Et puis, non, je me suis dit, ah tiens, c'était des tortues vapeur. Donc, c'est aussi ça. Parce que j'aime ça aussi, parfois trouver des titres qui sont un peu énigmatiques, mais qui ont un sens. Il y en a un autre, entre autres, avec Philippe Lausier, Kim Mir et Pierre-Yves Martel. Ça s'appelle « Disparition de l'usine éphémère ». Mais c'est... l'inverse d'une pièce de Messiaen, c'est « Apparition de l'Église éternelle ». J'ai fait le contraste, donc voilà. Martin, sur le plan de la création, puis du monde de l'art en général, mais qu'est-ce que ça t'inspire que la création sonore et musicale actuelle? Est-ce que tu en tires des réflexions particulières ou tu es de ceux qui pensent qu'il y a eu peut-être un âge d'or il y a quelques années? Pas vraiment. Comment tu vois le prolongement du travail qui a été fait depuis le début des années 80? Parce qu'on est un peu de cette foulée-là, de cette génération-là. Ben, je constate que l'engrenage ne s'arrête pas. Donne un exemple. Je me souviens quand je tournais beaucoup, à une époque, il y avait des jeunes, la plupart du temps, qui, à la fin des concerts, ils venaient me donner un CDR. Donc, ça fait peut-être 15 ans. Puis, ils me demandaient d'écouter ça avec le courriel. Je les envoyais un commentaire. Je mettais ça dans le lecteur. Tu sais, moi, ça faisait 15 ans là, que je travaillais. Eux autres, ils commençaient où j'étais rendu. Donc, ça veut dire que je me disais, wow, ils ont compris, puis l'engrenage se passe, tout ça. Et c'est drôle que tu me dises ça parce que je vais voir des concerts. Les concerts que je vais voir le plus actuellement, depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est plus que ça même, c'est les concerts de musique électroacoustique que j'aime bien. Et il y a une série que Acousma organise qui s'appelle Electrochoc. Et c'est des étudiants de l'université qui présentent leurs produits sur un système de diffusion qui a à peu près, je pense, c'est 12 haut-parleurs. Ça se passe au Conservatoire de musique. Et ça, pour moi, c'est vraiment excitant à écouter parce que je suis là et je dis « Wow! » Ils ont une connaissance des outils numériques vraiment poussée. Et la musique aussi, il y a d'autres influences. Comme moi, j'imagine à l'époque que j'étais influencé par peut-être le free jazz ou tout ça. Donc là, dans leurs travaux, il y a des influences hip-hop, de R&B, de speed metal, de doom. C'est comme... ça, je trouve ça assez excitant, en fait. Si je pourrais répondre là, rapidement, ça serait un peu ce constat, parce que dans la musique rock, que j'aime encore beaucoup, j'en écoute beaucoup, il y a des groupes j'ai découvert cette année un groupe de Brooklyn qui s'appelle Liturgy. C'est un groupe qui fait du doom. J'aime beaucoup ce qu'ils appellent le doom funeral. Là. C'est une musique super lente, là. Puis ça, j'adore ces musiques-là. Je serais pas... Ou bien le funk, là, Prince, puis tout ça. C'est comme... Fait que j'ai un registre de goûts musicaux qui est assez large. En fait, ça me vient de l'époque où j'associais des disques en vinyle ensemble, que je collais une pointe de l'Armée rouge avec du piano Anquetang puis Ravi Shankar, par exemple. Donc, il y avait vraiment une formation d'orchestre imaginaire pour revenir à Raymond, mais là, qui était physique, qui était... et c'était un échantillonnage de l'objet, donc le numérique n'existait pas. Donc, c'était du collage. Et... ben c'est ça. Donc, j'ai eu une période collagiste, comme on peut dire, période bruitiste. Et maintenant, en musique, je fais un peu des mélanges de un peu tout ça. J'ai commencé à travailler pas mal avec l'ordinateur. Donc, faire des musiques plus hybrides. En tout cas, une vitalité incroyable, puis une cohérence quasiment parfaite dans ton cas, au sens où on retrouve dans tes champs d'intérêt quelque chose qui se cristallisait littéralement dans la construction de tes disques collés et tes tables patentées. Comme, je pense que c'est mon ami Otomo Yoshihide, avec lequel on a fait l'album 21 Situations, lui, il me disait, tu sais, le premier disque qu'on fait, tout est là. Après ça, les autres disques après, ça va être juste de creuser des morceaux de ce disque-là, tu sais, d'aller explorer des sections. Puis effectivement, c'est vrai, si tu écoutes Snippet, ben c'est toutes des choses, même les bouts abstraits, ben c'est des choses que j'explore actuellement. T'sais, jouer avec des radios, jouer avec des feedbacks, des mauvais contacts électriques, donc tout ça. Martin, je t'arrête. On va écouter un extrait d'une pièce de longue durée. Ça dure 33 minutes. C'est le nom de l'album, je crois, qui s'intitule « So Far, So Good ». C'est un album que j'ai trouvé un peu mystérieux, ambiant, extrêmement intéressant. Alors, on écoute ça attentivement. Martin, pour compléter notre rencontre de cet après-midi, on est chez toi, bien attablé. Le gâteau est très bon, cela dit en passant. Et qu'est-ce qui s'annonce pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, histoire de réflexion, de recherche, de production? C'est ad lib. Depuis février, j'ai rien fait. Donc, je suis en période de, j'imagine, recharger les batteries. Il n'y a pas de panique. Ça ne me tente pas de rien faire, je ne fais rien. D'autant plus que je suis à la retraite. Fait qu'allons-y, profitons-en, allons marcher. Donc, il va y avoir, comme je disais, l'apparition de vraiment plus de snippets sur Ambiance Magnétique quelque part en décembre. Sinon, là, j'ai commencé une collaboration avec un musicien ukrainien. Il m'a demandé d'y envoyer du matériel. Il a fait des rajouts, il m'a renvoyé ça. Puis là, il m'a dit hey, on pourrait en faire d'autres. T'sais. Fait que là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, c'est un peu ça. Et puis. J'ai un atelier au fond de l'appartement où c'est pour le visuel et donc avec la température qui se réchauffe, probablement que je vais passer... parce que moi, je travaille beaucoup par cycle, donc j'ai des cycles sonores. Donc pendant, de septembre à décembre, j'ai fait beaucoup de sons. Et puis là, je pense que la prochaine étape, c'est le visuel. Martin... grand merci de m'avoir accordé cette rencontre cet après-midi, puis on va compléter notre rencontre sur le plan sonore avec cette pièce qui a été créée dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, pièce sur laquelle on retrouve René Lucier, Éric Dorion, Coster, Tétro, Bref, une ambiance, comme on dit, tonitruante, collage extrêmement dynamique, et puis on sent toute la complicité des musiciens. Alors, on finit ça là-dessus. Ben merci. Bonne écoute. Oui. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir en compagnie de l'artiste visuel, créateur sonore et joueur de tourne-disque préparé, Martin Tétrault. Grand merci à Martin ainsi qu'à ses nombreux collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que vous retrouverez sur la plateforme Bandcamp notamment et sur le label Ambiance Magnétique. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que toutes les émissions pour écoute ou réécoute à votre guise. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h. Sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Je vous laisse sur des sonorités de Martin Tétrault et de ses collaborateurs, ses amis. Au microphone, Gaëtan Gosselin, qui vous salue.